Danger and Cuts. Hypermix. Glitchcore. Un mercredi sur deux. Les semaines paires. 20h, 21h. Danger and Cuts. C'est sur Pulsar. It's the most beautiful, ugly sound in the world. Frank? Frank sent us. You bring a horse for me? Well, looks like we're shy of one horse. You brought too many. Danger and Cuts. Salut, bienvenue dans cette nouvelle session Shadow Moon. Vous nous écoutez sur Radio Pulsar 95.9 tous les 15 jours, le mercredi, les semaines paires à Poitiers. Et dans le monde entier en streaming et en direct sur radio-pulsar.org. Je suis Julie Moé, je suis la voix de l'émission. Chaos, désir de forme, incarnation dans la matière, expérience d'être, conscience, fin programmée, peur, retour au chaos, être humain, jardinier fou, créant des dieux à son image. Oublie, le monde est une construction mentale. Oublie, s'il ressemble à l'enfer, demandez-vous quel mental l'a façonné. Surprise dans le miroir. Nous sommes les faiseuses de musique. Et nous sommes les rêveuses de la rêve. Nous sommes l'humanité. Danger and Cuts. It's the most beautiful, ugly sound in the world. Straight from the ground. sophisticated apparatus. Powerful weapons. Blind musicians. These patterns represent dark triangles and light triangles. Into the dark, into the white, it's not a game. Cause I'm in Danger and Cuts. Vous êtes sur Pulsar, le soir, comme par hasard. Vous écoutez Nitrom the Metronome aux machines pour un hyper mix de musique d'Ojin. It's the most beautiful, ugly sound in the world. Pulsar. Thank you. Thank you. Danger and Cuts. It's the most beautiful, ugly sound in the world. Danger and Cuts. It's the most beautiful, ugly sound in the world. We'll be right back. And cuts. It's the most beautiful, ugly sound in the world. La fin, ce n'est pas la fin, c'est le commencement d'un nouveau cycle. Un cycle fait de patience, de recherche et de travail. Un travail qui va aboutir à la prochaine session de l'émission. On se retrouve, moi Julie, la voix, et lui, Nitrom the Métronome, le DJ contrôleriste, dans 15 jours, pour un hypermix glitchcore de musique d'Ojin. Podcast, articles, infos diverses sur l'émission. radio-pulsar.org. Bisous à tous. Danger and cuts. Out. I am alright. I am content. Looking through an old kaleidoscope. microscope. Isn't it laughable? The pain we held close dissolves into smoke. Right. 小时候只是服从，成长过程中开始问，为什么你不再是我印象中那样完美无缺？长大后终于理解，逞强也是种爱的道理。